Oh oh, à plus de 200 vents sous l'auto, passe la vitesse, frérot, vas-y mollo. À plus de 200 vents sous l'auto, passe la vitesse, frérot, vas-y mollo. Avec l'Andy au bord d'un fer allemand, prêt à tout pour de l'argent. Moi petit au schlag, je mettais des douches, je leur vendais fer à l'gant. Petit frère, t'auras ta paire de Nike, j'irai leur faire du mal. Trop cramé, la juge m'appelle, ornette la frappe au tribunal. La frappe est bien locale, liasse de sang la cale. Du sale tous les jours, tu fais le fou à l'occasion. La vodka monte au crâne, je repense à tes coups de pute. En bécane, impossible, je retrograde, je t'en mets une dans la nuque. On sort en club à 10, le physio fait la bise. Que des têtes cassées, dis-moi faut plaire à qui. Calibré dans l'Audi, c'est pas une parodie. La plus bonne sera bien dans mon lit, je la mettrai pas dans le clip. Oh oh, à plus de 200 mètres sous l'auto, passe la vitesse. Faut bombarder sur le périphérique, mais ce qui est la procédure. À 6h, les gars reviennent en force pour casser ma serrure. Mais frérot, on a grandi ici, tous entassés, c'est dur. C'est dur d'élever un 6 dans le 9-3. Je n'ai jamais parlé 6 du S3. Tu me tends ton verre, donc sais-tu à quel point j'ai soif. J'ai pété la sono, j'en fit avec un net un peu froid. Si charté de prison, fais-moi une passe sur le raté, j'ai envie de placer un 6. Mascarade n'est pas rentré, je suis à deux doigts de devenir schizo. T'inquiète pas, c'est de la fraîche, je viens de la sortir du frigo. Petit, je voulais déjà, j'ai pas besoin de ton aide. Y'a que devant le bureau de la jambe, mes frérots promesses. Tu veux chasser dans la jungle, faut les colonnes. Y'a deux places, on roule à quatre, avenue du colonel. A plus de 200 vents sous l'auto, passe ta vitesse, frérot, vas-y mollo. A plus de 200 vents sous l'auto, passe ta vitesse, frérot, vas-y mollo. On a grandi ici, tous en tassé, c'est dur. Faut bombarder sur le périphérique, parce qu'il a procédé. Les gars reviennent en force pour casser ma serrure. Hey, frérot, on a grandi ici, tous en tassé, c'est dur. Faut bombarder sur le périphérique, parce qu'il y a la procédure. À 6h, les keufs reviennent en force pour casser ma serrure.